troisième temps d'une série d'émissions consacrées à l'histoire des pirates et des corsaires. Ce matin, nous nous interrogeons sur les apports de l'archéologie à ce grand domaine de connaissances. Hier, nous vous avons parlé de la piraterie antique en Méditerranée. Demain, le documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Renaud Damard nous racontera la prise du Kent par Surcouf en 1800 et ses représentations graphiques en particulier. Et aujourd'hui, avec Victor Massé de l'Épinay qui co-animera cette émission avec moi, eh bien, nous allons vous parler de fouilles sous-marines et terrestres qui permettent d'en savoir plus sur ce sujet en compagnie de nos quatre invités. Michel Lourd, il est conservateur général du patrimoine, directeur du DRASM, il nous expliquera ce qu'est le DRASM, il est membre de l'Académie de Marine. Anne Loerf, elle est professeure des Université à Lille et vice-présidente du CNRA, le Conseil National de Recherche Archéologique. Jérôme Jeanbutte avec nous, il est conservateur au département des monnaies de la Bibliothèque Nationale de France, maître de conférence à l'Université de Lille et auteur de Trésors des monnaies espagnoles dans la France des 17e-18e siècles qui vient de sortir aux éditions de la BNF. Jean Soula est archéologue, ingénieur d'études au laboratoire Landarc et coordonnateur d'un livre à paraître à la fin de cette année sur l'archéologie de la piraterie chez Mergoal. Bonjour Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne Loerf, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous nous parlerez tout à l'heure des 25 ans du CNRA, dont vous êtes la vice-présidente. Et vous parlerez également de cette archéologie sous-marine dont le grand spécialiste est à côté de vous. Il s'appelle Michel Lourd, il est directeur du DRASM. Qu'est-ce que signifie le DRASM ? Bonjour, le DRASM, c'est le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. C'est l'instrument du ministère de la Culture qui gère le patrimoine sous-marin de l'intégralité des eaux sous juridiction française, de l'Atlantique au Pacifique et de l'océan Indien à la Méditerranée. Et ça fait grand, hein ? Ça fait 11 millions de kilomètres carrés, mais il est bon de le rappeler aux Français qui souvent l'ignorent, c'est un tort. Bonjour à vous Jérôme Jeanbutte. Bonjour. Et bonjour à vous Jean Soula. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors peut-être pour commencer, Michel Lourd, disons un petit mot sur, un petit mot, plus qu'un petit mot d'ailleurs, sur cette recherche sous-marine qui, tout compte fait, ne remonte pas si loin à propos de ces bateaux pirates et surtout de ces bateaux corsaires que vous avez fouillés avec beaucoup d'autres, en particulier dans la rade de la Natière en face de Saint-Malo. Oui, alors d'abord, rappelons que l'archéologie sous-marine est une discipline jeune. Hein. En France, elle est née officiellement, en tout cas, il y a un tout petit peu plus de 50 ans, puisque c'est André Malraux qui a créé le département que je dirige aujourd'hui en 1966. Mm-hmm. Pour autant, c'est d'ailleurs le DRASM a été le premier service officiel au monde créé pour gérer ce patrimoine et reste aujourd'hui le service leader de la planète. Mais bien sûr, les recherches sont limitées par cette petite période, j'irais, d'histoire à l'échelle de l'humanité. 50 et quelques années d'activité, c'est peu. Et du même coup aussi, nous sommes confrontés à énormément de sites immergés, et pas seulement de navires pirates ou corsaires, même si j'ai, comme vous l'avez rappelé, eu la chance de fouiller deux épaves de navires corsaires avec Elisabeth Vera pendant plus de 10 ans devant l'entrée de Saint-Malo. Et justement, ces deux fouilles que vous avez menées donc sur ces deux navires dans l'entrée de Saint-Malo sont des fouilles importantes parce qu'elles ont permis aussi de mettre en place une méthodologie, d'imaginer et peut-être de former aussi des futurs archéologues qui vont peut-être fouiller les autres sites de pirates et de corsaires que l'on retrouve dans toute la planète. Oui, pas seulement. Effectivement, les fouilles de la Natière ont été considérés longtemps comme une espèce de foyer de formation, puisque plus de 18 nationalités sont venues travailler périodiquement chaque année pendant 10 ans, et que du coup on a beaucoup essaimé. Il y a beaucoup d'archéologues dans le monde aujourd'hui qui sont des gens qui ont fouillé sur les épaves de Natière. Et beaucoup d'entre eux, bien sûr, se sont passionnés pour les temps de la guerre de course, mais ce ne sont pas les seules épaves aujourd'hui qu'ils fouillent, que ce soit au Canada ou ailleurs. Mais en tout cas, j'aime à croire, en tout cas c'est ce qui se dit un peu partout, donc je souhaite le répéter, c'est que cette école de formation a sans doute refondé quelque part l'archéologie sous-marine en France, en développant de nouvelles méthodologies. Mais alors justement, comment reconnaît-on un navire pirate ou un navire corsaire comme ceux de la Natière que vous aviez donc en face de Saint-Malo, Michel Lourd? Est-ce que c'est si facile que cela de les reconnaître, ces bateaux? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas une spécificité du navire pirate, du navire corsaire ou du navire tout court. Il faudrait reprendre, mais ce serait trop long peut-être de l'expliquer en détail. Simplement rappeler que les navires pirates sont souvent des navires capturés, qu'on réutilise à des fins belliqueuses pour s'approprier les biens des autres. Les navires corsaires sont souvent des navires qui ont été armés à la pêche pendant les périodes de non-belligérance et qu'on réutilise parce que ce sont des grands navires armés et qu'à Saint-Malo, par exemple, ou à Dunkerque, on a pléthore d'équipages parce que les équipages de pêche étaient des équipages de plus de 100 personnes. Et quand ces gens-là ne pouvaient plus aller à la pêche parce que le trafic était désorganisé par la guerre, ben souvent on les a réutilisés pour aller dans une autre forme de guerre, c'est-à-dire la guerre de course qui supplée, au fond, l'activité des marines royales. Victor Massé d'Épinay. Peut-être qu'il faut faire tout de suite le distinguo qu'on a déjà fait lundi avec Philippe Rodège entre la course et la piraterie. Jean Soula, les navires corsaires, ils avaient une existence officielle, ils avaient une activité légale, donc il y a des sources écrites quelquefois. La piraterie, c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être qu'on peut dire, pour commencer, que les épaves pirates officiellement reconnues comme telles, aujourd'hui dans le monde, sont très peu nombreuses. Oui, aujourd'hui, on a inventorié, découvert, en lien avec les archives, donc les textes historiques et les découvertes archéologiques, dans le monde, uniquement 6 épaves pirates. Ah oui, c'est extrêmement peu. C'est peu. 2 sont localisées sur la côte est des États-Unis, particulièrement dans la baie de Beaufort, en Caroline du Nord, et à Cap Cod, côte du Massachusetts. 2 dans les Caraïbes. La première autour de Saint-Domingue, actuellement Hispaniola à Haïti. Et 2 autres dans l'océan Indien. La première dans la baie de l'île Sainte-Marie, au nord-est de Madagascar, mais qui est sujet à caution et à débat. Michel Lourd en parlera tout à l'heure, j'imagine. Et la dernière, qui est pour le coup avérée, sur la côte est de l'île Maurice. 6. Dont on parlera. Oui, 6 actuellement découvertes. Il y en a d'autres qui sont en cours de recherche. Et alors ces six épaves pirates, peut-être qu'on peut d'ailleurs parler tout de suite de celle qui est sujette à caution. Comment est-ce qu'on identifie, comment est-ce qu'on certifie qu'une épave est pirate? Ça veut dire que le bateau était destiné à la piraterie au moment où il a coulé, au moment où il s'est échoué. Mais avant, il avait eu d'autres activités, en particulier souvent des activités de négrières. Tout à fait. D'ailleurs, dans la plupart des cas, ce sont des navires français. Pris par des pirates anglais ou d'origine britannique, puisque pour John Bowen, qui a pris le Speaker, navire de 500 tonneaux échoué sur la côte est de l'île Maurice, il était originaire des Bermudes, d'origine anglaise, britannique. Pour les autres navires, on a le Queen Anne's Revenge, donc, qui est dans la baie de Beaufort, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Qui est le bateau de Barbe Noire. Le bateau du fameux Barbe Noire. Enfin. Découvert en 1996-97, identifié formellement en 2011-2012, et a fouillé uniquement à 60%. Donc on a en fait des contextes qui sont très particuliers. On va dire que l'archéologie de la piraterie est une niche, puisque au niveau de l'archéologie pure, des fouilles archéologiques, rares sont les fouilles existantes et rares sont les épaves fouillées complètement. Alors c'est une niche, Michel Lourd, mais c'est une niche très convoitée par quelques-uns et pas simplement des archéologues professionnels estampillés comme ceux qui sont autour de cette table, mais aussi des aventuriers, des gens qui sont là à la recherche de trésors, ce qui complique encore la donne, en l'occurrence Michel Lourd. Oui, alors il faut se souvenir que les épaves sont de fantastiques machines à rêver et que à défaut de rapporter de l'argent à ceux qui les pillent, ils arrivent souvent à lever des fonds qui vont leur permettre soi-disant de retrouver une épave, mais ils s'enrichissent essentiellement de la crédulité de ceux qui les financent. La première piraterie aujourd'hui, c'est celle-là. Et c'est pour ça qu'il y a assez peu d'épaves de pieds de navires pirates fouillés. Aucune d'entre elles, à ma connaissance, n'a jamais rapporté une fortune à qui que ce soit, mais beaucoup d'entre eux vivent très bien. Et du même coup, d'ailleurs, comme ces opérations sont conduites par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, voire rien du tout, vous venez d'évoquer la situation de l'île Sainte-Marie, que je connais bien, puisque j'y ai dirigé la mission de l'UNESCO d'analyse des sites de l'île Sainte-Marie à Madagascar en 2015. Et notamment, on nous racontait qu'il y avait 2 épaves de navires pirates magnifiques, un chercheur d'épaves américain levait des fonds pour aller les étudier, parce qu'elles, naturellement, elles allaient être menacées par des pilleurs. Il faut l'appeler, il s'appelle Barry Clifford, et voilà. Il est tellement connu dans le milieu que... puisqu'on le souhaite. Ouais. Mais, et donc Barry Clifford avait raconté tout ça, fait une conférence de presse magnifique à New York et ailleurs. Et en réalité, moi, lorsque j'ai fait l'analyse, le premier site qui était réputé un navire, j'ai découvert que c'était les restes d'une structure portuaire, d'un quai. Et le second bateau n'avait rien de hollandais, mais était manifestement construit en Inde. C'était un navire entièrement construit en teck qui n'avait strictement rien à voir avec l'identité qu'on lui prêtait. Mais ça, tout compte fait, Anne Loer, vous dirigez le conseil, vous êtes vice-présidente du Conseil national de la recherche, des recherches archéologiques, qui fêtait ses 25 ans la semaine dernière. Ça n'est pas bien différent de tous ces chercheurs de trésors que vous voyez sur Terre et qui sont aussi une plaie, il faut le dire, pour la recherche scientifique autour de l'archéologie, c'est-à-dire en gros, c'est la recherche du trésor qui motive beaucoup de ceux qui tentent le dimanche ou le reste de la semaine d'aller fouiller, mais de façon totalement non officielle, et même de ne pas fouiller puisqu'ils dérangent les couches archéologiques. Alors non seulement c'est pas officiel, mais c'est même strictement interdit. Le pillage archéologique est effectivement une vraie plaie. L'archéologie française est encadrée par une législation très précise au livre 5 du Code du patrimoine, que ce soit pour l'archéologie terrestre ou pour l'archéologie maritime. Et effectivement, on n'a pas le droit de s'autoriser soi-même à aller fouiller, à aller sur le terrain gratter et mettre au jour des vestiges, que ce soit effectivement des vestiges enfouis ou des vestiges immergés. Donc il y a toute une procédure, tout un cadre qu'il est absolument indispensable de respecter d'un point de vue de la législation comme du point de vue scientifique. Et cela, évidemment, Jean Soula, ça concerne les territoires, et on l'a compris avec Michel Lourd, qu'ils sont assez nombreux, étant donné la surface maritime que couvre la France, donc les territoires français, mais il y a bien d'autres endroits où on peut aller fouiller dans les Caraïbes, le long des côtes latino-américaines ou encore dans l'océan Indien, et peut-être les législations ne sont pas toujours aussi strictes qu'en France, en l'occurrence Jean Soula. Oui, tout à fait, mais les exemples de fouilles que subaquatiques que l'on a pour cette archéologie de la piraterie sont soit des fouilles anciennes, pour le speaker, c'est quand même une découverte de 1979, partiellement fouillé avec les méthodes de l'époque, hein, il faut quand même le rappeler, en 1980, pendant quelques temps. Quand on dit avec les méthodes de l'époque, ça veut dire que... Ça a évolué, c'était plus du ramassage, les objets n'étaient pas géolocalisés. Aujourd'hui, on n'a même pas de plan détaillé avec la découverte et localisation des objets qui ont été découverts et qui sont aujourd'hui conservés au Musée national d'histoire de Mahébourg à l'île Maurice. Et il y a eu une autre fouille prospection en 1990 par encore un autre personnage qui est Éric Surcouf et Thierry Proust. Il a un nom. Voilà. Et là, encore une fois, les méthodes avaient essayé d'être appliquées, mais pas toujours avec une méthodologie actuelle. Quand je vois l'amour de Michel Lourd. Michel Lourd, il a tout à fait raison là-dessus. Et c'est vrai que malheureusement, en plus de ça, il n'y a pas de rapport de fouille. Mm-hmm. Et les objets n'avaient jamais été étudiés. On a quand même plus de 1700 objets qui ont été trouvés sur cette épave. Et aucun objet n'avait été inventorié, étudié, ou que partiellement, et même que très récemment. Il a fallu une mission qu'on a menée en mars dernier pour inventorier la totalité des objets et faire les analyses derrière. Victor Macedo. Pendant qu'on évoque ces fouilleurs interlopes ou plus ou moins officiels, et pour reprendre l'expression de Michel Lourd, des machines à rêver que sont ces épaves, évidemment, on imagine toutes ces épaves corsaires et pirates comme étant chargées de pièces d'or ou de pièces. Alors, Jérôme Jambu, vous êtes le numismate de notre assemblée. Oui. Michel Lourd disait aussi que personne ne s'était jamais enrichi en fouillant une épave pirate ou corsaire. Je vous ai vu faire une petite moue, non pas de l'enrichissement personnel de tel ou tel archéologue, mais il arrive parfois de trouver des pièces. Alors, dans le speaker que Jean Soula a fouillé encore il y a quelques semaines, 34 pièces, dont 3 en or, il me semble. C'est pas grand-chose. Mais on a trouvé parfois beaucoup plus de pièces. Est-ce qu'on peut espérer trouver des pièces? Est-ce que c'est un des buts de cette archéologie sous-marine? Alors, l'archéologie, je vais dire, à l'américaine, a pour but de trouver des trésors. C'est-à-dire qu'on est dans des cadres législatifs totalement différents. Et il faut rappeler que l'archéologie américaine est prédominante sur la question de la recherche de ces bateaux pirates, et en particulier le long des côtes de l'Amérique. Il faut penser que des gens comme Barry Clifford, par exemple, négocient avec les États sur les côtes de l'ordre de 4 entre 20 à 20%, c'est-à-dire 20% pour l'État où serait échouée l'épave, et puis 80% pour la mission qui va chercher. Donc voilà, on est dans des contextes totalement différents. Donc ce sont des gens qui cherchent des trésors, qui cherchent avant tout des trésors, qui détruisent très souvent les structures qu'ils fouillent à la recherche d'or et d'argent. Le problème, c'est que très souvent, dans ces épaves, il n'y a pas de trésor. Il n'y a pas de trésor parce que lorsqu'on parle de la perte du Queen Hat's Revenge, du Speaker ou du Fiery Dragon, si c'est effectivement une épave pirate, il s'agit de pertes qui ont été programmées, qui ont été prévues, les navires ont été sabotés, donc vous pensez bien que s'il y avait eu trésor sur ces épaves, ils auraient été récupérés. En fait, les quelques pièces qu'on y a trouvées, ce sont des pièces oubliées ou des pièces perdues. Un navire a quand même révélé un extraordinaire trésor, ou en tout cas est en train de révéler un extraordinaire trésor, comme on se les imagine, c'est le Ouida Galley. Le Ouida Galley, le célèbre navire de Samuel Bellamy, dit Black Sam, hein, qui a été donc perdu sur les côtes du Massachusetts en 1717. Le problème, c'est que c'est l'équipe Clifford et compagnie qui en a remonté des espèces, et que malgré vraiment tout ce qu'on a pu faire depuis la France pour obtenir des inventaires, des listes, des contenus précis de ce qui avait pu être trouvé, j'ai pu faire un recollement d'environ quand même 15 000 pièces d'or et d'argent. 15 000 pièces d'or et d'argent sur peut-être plus de 5 tonnes de métaux précieux, mais blackout total, si vous voulez, sur la réalité de ce contenu. Des pièces qu'en plus on voit vendues sur le marché numismatique, puisque ces gens-là essayer de gagner de l'argent aujourd'hui. C'est comme disait Michel Lourd, une piraterie de la piraterie que ce genre de fouille. Anne Loer fait Michel Lourd. Oui, non, mais sur la question effectivement du trésor qui est un moteur finalement pour certains pour faire de l'archéologie, enfin ce qu'ils croient être de l'archéologie, parce que finalement la définition de l'archéologie, c'est pas une constitution d'une collection d'objets qui est hors contexte, ce sont au contraire de la documentation des objets qui doivent être compris, abordés, fouillés en contexte. Ce sont les objets et le milieu dans lequel ils se trouvent. Donc si on les déconnecte d'une certaine manière de leur environnement, on se retrouve, oui, avec des listes d'objets, mais on n'est pas dans le domaine de l'archéologie et de la connaissance historique. Michel Lourd. Oui, je vais simplement reprendre ce qu'a dit Jean Soulin en le synthétisant. La fouille, par exemple, du Speaker, comme il expliquait. Déjà, le mot fouille, ça me gêne, mais en le caractérisant, c'est un lieu où, donc, si j'ai bien compris le Speaker, où on a travaillé sans méthodologie, dont on n'a publié aucun rapport de fouille, et dont on ne connaît même pas la liste du mobilier découvert. Donc, si vous voulez, le mot fouille, à mon sens... Maintenant, si, parce que Jean Soulin est allé y voir pour voir quel était le... Je connais le Speaker pour avoir travaillé aussi à l'île Maurice, mais effectivement, là, ça me gêne toujours, parce que même d'utiliser le mot d'archéologue pour ces chasseurs de trésors que je connais bien et que je poursuis depuis de très longues années, d'abord au nom de l'État français souvent, et puis pour l'UNESCO, pour le compte de l'UNESCO, puisque je suis membre du Conseil scientifique et technique de l'UNESCO pour le patrimoine immergé, ils font beaucoup de mal. Souvent, ils font naître des fantasmes. J'ai vu, par exemple, à Madagascar l'année dernière, une épave découverte et immédiatement détruite par la population littorale, parce qu'ils avaient encore en mémoire que Barry Clifford prétendait avoir trouvé à l'île Sainte-Marie, donc à Madagascar, une épave chargée de lingots d'argent, et que donc, alors que nous les avions détrompés, mais notre rapport est un rapport UNESCO qui n'a pas été lu par la population locale, alors que les journaux locaux, eux, avaient dit « on a trouvé une cargaison d'argent », et du coup, cette épave, qui était peut-être importante, a été entièrement démantelé par la population qui pensait s'approprier très vite un trésor. Ils n'ont rien trouvé, en revanche, ils ont détruit une page d'histoire engloutie de l'humanité, et ça, c'est quand même un peu dommage. Et l'argent était du plomb. Et sur Madagascar, Barry Clifford avait quand même trouvé le moyen de faire des conférences de presse internationales en montrant un lingot d'argent qui, moi, m'avait un peu stupéfié vu les photos. Et lorsque j'ai fait l'analyse, je vous donne mon billet. En 2 minutes, lorsque j'ai eu la main sur le lingot dans le bureau du président de la République de Madagascar, uniquement en passant la main, comme il se trouve que j'ai fouillé quelques cargaisons de lingots de plomb, c'est moins enrichissant, sauf si on s'appelle Nicolas Flamel et qu'on a découvert le secret de la pierre philosophale pour en faire de l'or. En tout état de cause, dans les 2 minutes, j'ai dit à la ministre de la Culture de Madagascar, qui était à côté de moi, je lui ai dit « Mais madame, la ministre, ce n'est que du plomb. » Et c'est très habituel de trouver du plomb sur les navires. Parce que c'est un lest. C'était du lest que vous utilisez en lest, mais qu'on utilisait ensuite pour faire des travaux de réparation, parce que le plomb, c'est facile à fondre, et donc on l'utilisait pour les réparations. Victor Massé de l'Épine. un peu sur ce speaker qui est donc au large de l'île Maurice, qui d'ailleurs recèle beaucoup de plomb. Jean Soula, vous êtes allé le fouiller il y a quelques semaines, là, au mois de... Pas le fouiller. Au mois de mars. L'étudier. Ah, tout à fait. Étudier les pièces qui en avaient été sorties, qui sont au musée de Maribourg. Est-ce qu'il faut d'abord dire que cette épave, ce qu'il en reste, et en fait, c'est pour ça que les populations peuvent les fouiller assez facilement, c'est que c'est à 3, 4, 5, 6 mètres de fond, pas plus. On imagine souvent des épaves très profondément enfouies. Là, c'est presque affleurant. Et qu'est-ce qu'on peut encore trouver? Qu'est-ce qu'on doit encore étudier? Est-ce qu'il y a un savoir scientifique à construire avec une épave qui a été donc si mal fouillée? Évidemment, ce que vous dites est juste. Toutes les épaves qu'on a évoquées tout à l'heure, Queen Anne's Revenge 1718, on va le rappeler parce qu'on n'a pas donné de chronologie. Hein, la chronologie, c'est quand même important. On est quand même à une période entre 1680 et 1730, hein, globalement, aux quatre coins du monde, donc entre l'océan Indien et la mer des Caraïbes et la côte est des États-Unis, où on a ces navires-là qui sont souvent des navires français, issus soit de la traite négrière, soit des vaisseaux marchands. Donc entre 1699 précisément pour le Quidda Merchant de William Kidd, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, et j'y reviens, c'est qu'on a identifié aussi ces épaves pirates parce qu'elles sont liées à un pirate célèbre. Ouais. Et oui. Ouais, c'est ça. C'est donc, on a quand même six grands noms de c'est la piraterie. C'est du name dropping façon archéologique. Tout à fait. On a quand même six grands noms de la piraterie qui sont des pirates qui font partie de la des deux volumes de Daniel Defoe, alias Captain Johnson, publié en 1724, réédité à de maintes reprises. C'est 35 biographies qui présentent les différentes prises, leur vie, etc. Donc rassemble, je l'ai dit, 35 pirates. Et parmi ces 35 pirates, on en a 6 dont on a découvert aujourd'hui l'épave. Mais est-ce que justement, 6 ou 5, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que justement ça ne les rend pas presque suspects? Ça paraît trop beau d'avoir l'épave de Capitaine Kidd, l'épave de Barbe Noire, l'épave de... Mais ça paraît simple comme c'est ça. C'est comme avoir la couronne de Charlemagne. Bien sûr, mais il y a eu des recherches derrière. C'est-à-dire que déjà il y a eu des recherches en archives, dans les textes. Il y a eu des investigations archéologiques subaquatiques qui ont été faites, parce qu'il arrive à ces endroits-là où il y a plusieurs épaves qui ont coulé. Et de ce fait, il peut y avoir des doutes. Et c'est pour ça que pour le Queen Anne's Revenge, c'est assez symptomatique. On a mis plus de 15 ans pour identifier réellement, parce qu'il y avait un débat au niveau de la communauté scientifique, sur cette réelle identification. Donc ça n'a pas pris 5 minutes. Hein. On a vraiment pris le temps de sortir un certain nombre d'objets. Au départ, c'était un navire du début du 18e siècle. Et au final, en affinant les recherches et investigations, on a réussi à vraiment définir sa date avec son histoire et ses trésors, entre guillemets, qui est la culture matérielle qui a été exhumée. On y reviendra tout à l'heure pour le détail, j'imagine. Oui, parce que en fait, les trésors ne sont pas évidemment les mêmes pour un chasseur de trésors, Michel Lourd, et pour un archéologue. C'est-à-dire que toutes les traces de la culture matérielle, quelles qu'elles soient, de la vaisselle cassée, des perles de verre perdues au fond de la fouille, des lingots de plomb, c'est un trésor pour l'archéologue, ça ne l'est pas pour quelqu'un qui vient juste chercher un trésor pirate. Oui, absolument. Le rôle de l'archéologue, c'est d'analyser l'ensemble des témoignages matériels et pas ceux qui pourraient avoir aujourd'hui une valeur marchande, parce qu'un objet, même très frustre, peut parfaitement donner une chronologie très précise au naufrage. Il peut signaler des trafics commerciaux, etc. C'est ce qui fait la grande différence entre les gens qui se contentent de faire de la chasse au trésor et qui ne sont pas des archéologues, et un archéologue qui, quelle que soit la valeur marchande de ce qu'il trouve, a surtout vocation à faire le récollement de l'ensemble des informations livrées par le site, et c'est ça qui deviendra pertinent. C'est comme ça qu'à Madagascar, en faisant l'analyse du site, j'ai découvert notamment que des pièces d'or avaient été trouvées pendant l'opération de Barry Clifford, mais qui n'existent plus nulle part. Elles ont été volées, donc ça en donne une idée. Par contre, il avait laissé de côté toute une partie des éléments intéressants du site, et c'est ce qui m'a permis de vous montrer que c'était pas un navire hollandais, mais probablement un navire indien construit entièrement en teck. Anne Le Herf, à propos justement de ce qui est richesse pour les uns et qui ne l'est pas pour les autres. C'est ce que vient de dire Michel Lourd. C'est vrai que l'archéologue est un historien qui va travailler avec une documentation matérielle. Alors quand il y a des textes, évidemment, il va mettre en regard la documentation matérielle elle-même conçue, ce que je disais tout à l'heure, dans son contexte le plus possible, et puis confronter tous les types de documentation pour écrire l'histoire de ces sociétés, de ces navires et de ces navigateurs. Et puis c'est pas de chance, parce que effectivement, quand on s'appelle Stevenson et qu'on a donc écrit L'île au trésor, Jérôme Jambu, ben on a a popularisé, par exemple, la pièce de 8, la Piece of 8. Oui, tout à fait. Et la voilà, qui est recherchée par tout le monde, alors qu'on trouve plutôt d'autres types de pièces dans ces quelques bateaux retrouvés de par le monde. Tout à fait. La pièce de 8 a un grand problème, c'est qu'elle a une très grande réputation et qui lui a notamment été octroyée par Stevenson. Et même avant, puisque dans des anciens ouvrages comme les témoignages d'Exmelin, par exemple, il raconte comment les pirates dépensent des pièces de 8 à profusion et notamment... Y compris pour voir le sexe d'une prostituée. Y compris, voilà, à la Jamaïque, ça lui coûte 500 piastres, c'est-à-dire 13,5 kilos d'argent pour voir une femme nue. Donc on a beaucoup de témoignages. Le problème de la pièce de 8, c'est que la pièce de 8, c'est la pièce de l'époque, c'est-à-dire c'est la pièce de tout le monde. La pièce de 8, ça n'est pas qu'une monnaie de pirate. La pièce de 8, c'est la pièce de 8 réaux, c'est la piastre fabriquée par les Espagnols à la sortie de leurs mines du Pérou et du Mexique. C'est-à-dire, grosso modo, que 90% de l'argent mondial à l'époque sont des pièces de 8 et leurs divisions. Donc, les pièces de 8, ce sont des pièces de pirates, mais ce sont aussi les pièces qu'on a trouvées, par exemple, à fond de cale de la Jeanne-Élisabeth. C'est ce qu'on pourrait appeler, c'est comme le dollar aujourd'hui. C'est l'ancêtre du dollar. Le drachme a fouillé il y a quelque temps la Jeanne-Élisabeth. On a la chance d'en publier le trésor aujourd'hui. À fond de cale, il y avait des pièces de 8. Des pièces de 8 perdues en Méditerranée. Ces pièces de 8 n'étaient pas des monnaies des pirates, c'était des monnaies de marchands français. Elles auraient pu être des monnaies des pirates puisque ces pièces avaient été cachées dans le blé pour échapper aux pirates, justement. Le bateau a coulé, les pièces de 8 sont aujourd'hui des pièces de 8 qui seront exposées en musée. Il en est fallu de peu pour que ce soit des pièces de 8 de pirates. Mais voilà, la pièce de 8 n'est pas particulièrement une pièce de pirate. C'est la pièce de tout le monde qui peut, si elle est volée, devenir une pièce de pirate. Victor Massé-Dépinay. Donc une première idée reçue qui tombe, c'est toujours un peu triste. Il n'y a pas de coffre. A priori de monnaie pirate particulière. Est-ce qu'il y a, en revanche, Jean Soula, dans d'autres domaines que la numismatique. une culture matérielle pirate, est-ce qu'il y a des objets ou des habits, des armes qu'on ne trouve que sur les 6 épaves pirates que vous avez évoquées ou que dans les sources écrites qu'on a concernant la piraterie? Alors oui et non. On n'a pas de culture matérielle pirate à proprement parler. C'est du fantasme hollywoodien. On n'a pas de bouton de veste avec un crâne et les tibias. On n'a pas d'entrée de coffre avec crâne, etc. Tous les auditeurs et les auditrices vont fuir parce que si vous êtes en train de dire que tout ce qu'on croit savoir depuis Pirates des Caraïbes et l'île au trésor n'existe pas, c'est dommage. Mais c'est bien le souci avec cette archéologie-là. C'est aussi peut-être aussi pour ça qu'elle a été entre guillemets écartée, plus ou moins volontairement. C'est parce qu'il y a tout un fantasme autour de du pirate en lui-même, de la représentation du pirate. Dans l'ouvrage qui paraîtra en fin d'année, un certain nombre de spécialistes... Archéologie de la piraterie. Voilà, un certain nombre de spécialistes s'attachent justement à cette étude de la culture matérielle, qui est rarement mise en avant dans les publications existantes aujourd'hui sur l'archéologie de la piraterie. Par exemple, la représentation du perroquet. Long John Silver sur son épaule, etc. Bon, bah, le perroquet, Philippe Prodège en a parlé en début de semaine, ça fait partie de la vie courante de ces marins qui vont outre-Atlantique, qui reviennent en métropole avec ces animaux qui sont si particuliers et exotiques, preuve d'un exotisme, et amènent du coup une valeur marchande aux populations qui n'ont pas la chance, d'en voir. Ce perroquet qui crie pièce de 8 pour sonner l'alerte. Tout à fait, Jérôme. Et de ce fait... ils sont rarement découverts en contexte d'épave, puisque ce sont des petits ossements qui, ne tiennent pas en place au fond, sur le site. Par contre, à la différence de ça, et on fait un parallèle là, pour le coup, avec les corsaires, qui sont, en termes de marins, les mêmes types de personnes, les mêmes types de personnages, pour l'épave de la Natière et donc la Dauphine 1704. Michel va en parler. On a retrouvé un squelette de macaque qui venait de Madagascar. Oui, justement, y a-t-il une culture matérielle corsaire s'il n'y a pas une culture matérielle pirate? Non, en fait, on devrait dire qu'il y a une culture. Ça, c'est quelque chose qu'on avait mis en évidence avec Elisabeth Vera en travaillant sur ces périodes. C'est que par le biais de la captation violente, que ce soit par la garde-course ou une hypothétique piraterie, les achats que l'on pratique dans les ports pour remplacer le matériel cassé, etc. Il y a une accélération des échanges et au fond, il y a une espèce de culture maritime européenne d'une certaine manière. Et déjà mondialisée ? Qui est quasiment mondialisée puisque... On trouve de la porcelaine chinoise parfois ? Absolument. Ou... Alors, en prenant un exemple, écoutez, on a commencé à fouiller en... On a fait la première analyse en 1996 des épaves de la Natière. On a commencé à les fouiller en 99 et c'est seulement en 2006 que l'on a identifié l'une des deux. La première, on l'a identifiée au bout de 3-4 ans et l'autre, on l'a identifiée pratiquement après 10 ans. Et pourquoi ? Parce qu'on trouvait à bord des assiettes en étain anglaise, des bouteilles hollandaises, de la poterie française. Et au fond, c'est à la fin pratiquement de la fouille, quand on est arrivé à la carène du bateau et qu'on a analysé la carène, qu'on s'est convaincu, parce que le bateau, lui, il était signé. Il avait été construit avec des bois du bassin parisien. Donc on a pouvait écarter les Hollandais, etc. Et donc on s'est dit, bon bah on a bien un navire français, manifestement, ou un navire capturé, mais dans l'entrée de Saint-Malo, les Anglais s'aventuraient guère. Et donc c'est là, ça nous a aidé à trouver dans les archives l'identité de ce bateau, la Dauphine, construit d'ailleurs pour le roi initialement au Havre. Donc cette culture maritime nous perturbait parce qu'elle était tellement finalement éclectique que ça ne permettait pas d'identifier la personnalité ou l'individualité du bateau. Et je pense que quand on parle d'archéologie tout simplement, des 17e, 18e, des mondes maritimes et des échanges, et au fond les pirates, quand ils capturaient un bateau, ils prenaient ce qu'il y avait à bord, quand ils en capturaient un autre, ils tuaient les témoins, ils récupéraient les objets, voire leurs vêtements, et ça assurait un échange, mais il n'y a pas une culture ou une civilisation pirate, évidemment. Jean Soulard. Oui, pour rebondir sur ce que dit Michel Lourd, qui est très juste, on a un mélange des cultures matérielles mondiales, en fait, à cette période-là, en particulier au début du XVIIIe siècle. On le voit vraiment sur ces cinq, six épaves pirates, puisqu'on n'a toujours pas rebondi sur l'épave du Fiery Dragons, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. On a justement, sur ces épaves, des points communs évidents. Au-delà de la nationalité du navire, au-delà de la faiblesse de profondeur de ces navires, hein, on l'a dit tout à l'heure, entre 3 et 6 mètres, on a vraiment dans les objets des nationalités complètement différentes. Par exemple, prenons l'exemple des canons. Les canons, qu'il faut aussi rêver à travers la figure du pirate. En précisant que les canons d'origine du bateau qui a été capturé par exemple par les pirates ont souvent été, on leur a adjoint de nouveaux canons parce qu'on passe de 18 ou de 16 canons à 26 canons. Ils sont systématiquement réarmés, on le voit dans les textes et on le voit en archéologie. Donc le pirate, exemple Barbe Noire, récupère la Concorde, donc qui est le bateau français de Nantes, et le réarme par un certain nombre de canons. Ensuite, il y a différentes prises qui sont faites entre cette prise initiale et le naufrage, plus ou moins sabordé volontairement en 1718. Et là, on se rend compte qu'on a différentes nationalités de canons qui sont découvertes. On a des canons qui sont issus de Hollande, des Provinces Unies, d'Angleterre, de Suède, etc. Et on a cela sur tous les navires. Évidemment, les nationalités évoluent. Mais on a ces exemples-là pour tout le matériel, la culture matérielle de ces épaves, pirates ou non d'ailleurs, puisque la Natière, on retrouve exactement le même mélange. Et pour ces navires pirates. Donc on va avoir un mélange, au même titre que pour, et Jérôme peut rebondir là-dessus, les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie, on a une quinzaine de nationalités parfois. Sur le même bateau. C'est l'exemple du speaker. Ouais, Jérôme, tu veux dire un mot ? Oui, le pirate en fait vole tout. Par définition, il vole tout ce qu'il peut. Alors, d'abord, juste un mot pour dire que les trésors pirates existent peut-être moins qu'on le voudrait, c'est que le pirate arraisonne tous les navires qu'il peut arraisonner. Et très souvent, il arraisonne des navires dans lesquels il va trouver des marchandises courantes. Le fameux Barbe Noire, Edward Teach, en fait assez peu de prises monétaires ou métalliques. Il tombe sur des bateaux dans lesquels il y a du coton, il y a de la canne, il y a de l'alcool, il y a des épices, il y a... différents produits. Et ensuite, ils en font le commerce. Oui, c'est comme pour la piraterie antique dont on parlait hier. Effectivement. Quand on prend des bateaux pleins de blé, on va commercialiser le blé qu'on a. Et certaines îles, certains gouverneurs des Antilles et des Caraïbes sont un peu plus souples pour éventuellement laisser accoster ces navires. Et les liquider contre commission. Les prises monétaires sont pas les plus courantes. Et les prises monétaires, c'est tout ce qu'on peut prendre. La monnaie étant à l'époque en métal précieux, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit vénitienne, qu'elle soit espagnole, qu'elle soit de l'Empire ottoman, le pirate prend, et c'est pour ça qu'on a des variétés très intéressantes. Et Michel Lourd, un des points sur lesquels il faut peut-être insister, c'est qu'il n'y a pas que l'archéologie sous-marine qui peut renseigner justement l'ensemble de cet univers entre guillemets pirate ou corsaire, parce que évidemment on n'est pas tout le temps sur mer, on descend dans des ports, on y vit, on y échange, etc. Et donc il y a aussi la possibilité de fouiller des villages qui ne sont pas des villages pirates comme contrairement à ce que beaucoup voudraient croire, mais des villages de commerce installés dans les colonies et dans lesquels les pirates viennent faire des affaires aussi. Oui, absolument. Si le monde maritime a ses singularités à l'évidence, et du coup l'archéologie sous-marine les a aussi, le monde de l'archéologie sous-marine est absolument pas décorrélé du reste du monde qui est terrestre par essence, puisque de toute façon, que ce soit des pirates, des navires de marchands, des corsaires ou d'autres, de toute façon on s'approvisionne à terre, l'approvisionnement du bateau vient de sources, nous on retrouve très clairement des poteries, elles ont été produites dans la région de Toulouse, ou elles viennent de Saint-Onge, ou elles viennent de Bretagne par exemple, et tout ça c'est des circuits commerciaux qui vont vers les ports et qui approvisionnent ces bateaux. Donc en réalité l'archéologie sous-marine permet de lire un certain nombre de faits sur des mobiliers bien conservés, mais ils ne s'inscrivent dans leur signification que lorsqu'on peut les rattacher précisément au réseau d'approvisionnement terrestre et aux productions humaines. Et il faut dire, Anne Loerf, que depuis 25 ans et donc la création du Conseil national de recherche archéologique que vous vice-présidez aujourd'hui, il y a aussi un effort qui a été fait depuis longtemps grâce à ce qu'on appelle l'archéologie préventive pour pouvoir découvrir des sites, y compris par exemple dans les îles encore françaises des Caraïbes aujourd'hui, avec beaucoup de liens avec l'économie de la plantation, l'économie de ces îles, etc., qui sont liés au trafic d'esclaves, mais aussi à tout ce commerce qui se faisait transatlantique et même à travers le monde entier. Alors oui, depuis 25 ans, l'archéologie en général et l'archéologie française dont on parle ici a connu de profondes mutations dans ses méthodes d'investigation et dans ses, on va dire, dans ses sujets même scientifiques. Et l'archéologie préventive qui a donc accompagné les grands aménagements y est pour beaucoup, a changé véritablement le visage de l'archéologie. Alors j'ai envie de dire d'abord plutôt le visage de l'archéologie terrestre, y compris portuaire. Et aujourd'hui, puisqu'on parle d'archéologie sous-marine, il est vrai qu'il y a des enjeux absolument majeurs dans ce domaine de l'archéologie sous-marine, parce que là aussi les méthodes d'investigation évoluent et permettent finalement des perspectives complètement différentes et nouvelles, immenses, dans ce domaine de l'archéologie sous-marine, pour laquelle l'archéologie française est tout à fait leader. En ce domaine. Vous dites des perspectives immenses, c'est quoi les perspectives immenses? Ce sont des terrains qui n'ont jamais été fouillés de toute façon. Michel Lourd en parlerait peut-être encore mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux majeurs, en particulier dans les abysses, avec des très grandes profondeurs, et le développement de méthodes, et le DRASM travaille en collaboration avec d'autres laboratoires et d'autres universités pour le développer, des robots qui peuvent descendre, mais qui en même temps fassent de l'archéologie. Toute la difficulté est là. Oui, Jean Soula, ça veut dire qu'il y a aussi un marché international de l'archéologie. On en a parlé depuis le début de cette émission, que la France est très bien placée parce qu'elle a des outils pour cela qui ont été élaborés depuis maintenant plus de 50 ans. Mais il y a aussi d'autres acteurs, d'autres types d'archéologie qui doivent être en concurrence. Pas simplement l'archéologie américaine dont on parlait tout à l'heure et les quelques chercheurs de trésors. Il n'y a pas que dans cette archéologie. Au contraire, il y a une archéologie très sérieuse faite par les universités américaines. On peut justement du coup préciser, on parle depuis tout à l'heure du Queen Anne's Revenge. Donc il a été fouillé à 60%, donc il reste 40%. Le site est protégé par les autorités américaines. Comment on protège un site Il y a des va-et-vient de navettes sur place pour vérifier qu'il n'y a pas trop de... Justement, parce qu'à force de faire des publications et de la médiatisation, on commence à un petit peu à savoir où est le site en question. C'est bien le problème du speaker, hein. C'est comme il était à 2,5 km de la côte, il est toujours à 2,5 km de la côte. Il n'a pas bougé, il a été trouvé en 1979, il a été pillé depuis cette découverte-là. Donc c'est un réel problème. Mais juste pour revenir sur ce Queen Anne's Revenge, où les acteurs de cette archéologie ont collaboré avec des spécialistes du monde entier, notamment français, on a donc une université américaine qui travaille dessus régulièrement, donc qui est le East Carolina University. On a le département d'archéologie subaquatique et ce qu'on appellerait le conseil général local de Caroline du Nord qui a investi, qui a créé un musée, un laboratoire de recherche, de conservation et de restauration et surtout un pôle de recherche et d'études spécifiquement sur cette épave-là qui s'appelle le CAR Project avec le CAR Lab, CAR Queen Anne's Revenge. Ouais. Donc on a quand même des acteurs réguliers qui sont là, qui sont présents dans la communauté scientifique, qui font des articles, des publications et l'épave est toujours en cours de fouille. Mmh. Donc on a vraiment là pour le coup un modèle pour parler outre-Atlantique, de cette archéologie maritime, archéologie de la piraterie. Mais on a aussi l'exemple de la Belle et d'autres exemples de fouilles subaquatiques qui sont importants. Michel Lourd, sur cette concurrence internationale, cette capacité justement à regarder de façon différente aussi, parce que l'avantage, c'est que j'imagine qu'un jour, on aura des archéologues chinois, des archéologues, on en a peut-être déjà d'ailleurs, des archéologues indiens ou du sous-continent indien, qui vont eux aussi, avec leur regard particulier, s'intéresser à ce type d'épave. Le DRASM, évidemment, comme c'est quand même le service reconnu comme leader dans le monde, ça crée des obligations aussi, c'est-à-dire d'échanges, de transferts de compétences. Nous avons, nous, des accords de coopération avec les États-Unis d'Amérique. On est en train de mettre un projet en route avec des groupes américains sur des épaves françaises en Floride. On a des accords avec la Chine, etc. Il y a beaucoup de pays qui, en quelques 15-20 ans, ont su développer une archéologie sous-marine qui, non seulement nous talonne, mais qui finira peut-être un jour par nous dépasser parce que certains pays consacrent énormément d'énergie et de moyens. La Corée du Sud, je ne peux pas les citer tous. Mm-hmm. Donc, de toute façon, il y a une unité internationale. C'est que c'est vrai que, par exemple, l'équipe qui fouille en Caroline, le Queen Anne's Revenge, nous avait contacté parce que c'était un navire nantais, la Concorde, et du même coup, ils avaient des mobiliers qu'ils identifiaient difficilement, et ils nous avaient contacté, on avait des mobiliers qui étaient extrêmement identiques à ceux que nous découvrions nous-mêmes sur des épaves en France, et notamment à Saint-Malo. Donc tout ça, on est dans un autre monde que ce que nous évoquions tout à l'heure, la chasse au trésor, des gens prêts à tout et bons à rien. Non, là, c'est la coopération intellectuelle internationale. Absolument, c'est des gens qui concourent à ce que la publication soit la plus aboutie possible, de telle sorte que chacun d'entre nous, au fond, ajoute une brique à l'histoire de la compréhension du fait maritime à travers les époques. Victor Massé-Dépin. Alors justement, une fois qu'on a écarté Stevenson et Lord Byron et la recherche de trésors et le fantasme, puisque vous nous disiez, Michel Lourd, que cette science archéologique sous-marine est très jeune, puisqu'elle a à peine plus de 50 ans, comment est-ce qu'on procède? Enfin, c'est une petite question un peu épistémologique. Est-ce qu'on a des questions qui préexistent et on va vérifier des choses ou chercher des choses au fond de l'eau? Comment est-ce que se construit la connaissance? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des questions qui demeurent et pour lesquelles on peut espérer trouver une réponse dans tel ou tel nouveau chantier, peut-être plus profondément? Anne Loyer a évoqué des robots qui peuvent descendre, évidemment. Enfin, les progrès techniques sont constants. Comment est-ce que ça s'articule, ces connaissances, entre les sources écrites et l'archéologie? Eh ben, c'est lié tout simplement là aussi à l'évolution de la discipline. C'est que au fil des années, moi quand j'ai commencé dans le métier, il y a 40 ans maintenant, puisque c'était en 79, je dirais, qu'on fouillait ce qu'on trouvait. Quelqu'un nous amenait un site, nous disait ça se trouve là, on venait, on faisait l'expertise et on fouillait. Là, il y a ce que vous appelez des gorges profondes qui viennent. Voilà, oui, il y a tout ça, bien sûr. Infos, en tout cas, qu'est-ce que c'est les gorges profondes? Les gorges profondes, pour le Watergate. C'est-à-dire, ce sont les personnages qui viennent de façon anonyme vous donner un renseignement parce que, voilà. Oui, il y a tout ça. Il vous faut confiance pour aller faire la fouille. Dans la chasse aux pirates, de navires pirates, il est évident que s'il n'y avait pas de source, on serait bien en peine de les traquer là où ils se situent dans le monde. Mais en tout cas, ça se passait comme ça, on trouvait une épave, on l'expertisait, comme on ne connaissait rien, on trouvait toujours justifié de la fouiller. Et puis, au cours des années 90 et à l'aube des années 2000, on a commencé à créer des zones protégées où on se disait, bon, il y a telle épave, on ne communique pas dessus pour que personne ne sache qu'elle est là et qu'elle ne risque pas d'être pillée, mais on ne la fouille pas parce qu'on ne fouille bien que lorsqu'on sait bien poser des questions. Et on ne peut répondre qu'aux questions qu'on a bien posées. Et du même coup, il faut aussi laisser du temps à la connaissance pour En fait, la connaissance, c'est aussi de savoir quelles questions on doit poser à un site. Et moi, j'ai vu rouvrir des épaves qui avaient été étudiées dans les années 70, et où tout d'un coup, on découvrait des tas de faits, parce qu'entre-temps, on avait progressé dans la connaissance, et en regardant la carène du bateau, on découvrait des détails qui avaient échappé à l'œil des archéologues de l'époque. Anne Loer, puis nos deux autres invités. Non, c'est le questionnement scientifique, on évoquait le Sénéra, ça fait partie justement des manières de travailler, d'aborder des questions scientifiques et de discuter les uns avec les autres, dans des domaines extrêmement large et varié, pour que justement les problématiques scientifiques puissent être posées et qu'ensuite, sur le terrain et dans les projets de recherche, les archéologues ensuite mettent en place les protocoles. Jean Soula. Oui, juste pour revenir sur cette archéologie terrestre qu'on a légèrement évoquée. Aujourd'hui, il y a des études particulières, notamment en castellologie, études des bastions, etc. Oui, parce que les pirates, ils vont aussi attaquer de temps en temps des fortifications à Saint-Malo ou ailleurs, je ne sais tout pas. Mais en tout cas, en partie pas à Saint-Malo, mais... parce que c'est impossible d'attaquer Saint-Malo. On a bien compris, il y a des Malouins ici. en revanche, on peut attaquer... on peut attaquer dans la Caraïbe ou ailleurs des fortins et donc on s'intéresse à cette façon-là. Tout à fait. Il y a deux spots entre guillemets très importants qui sont en cours d'investigation en termes d'archives, de plans, etc. Mais pas du tout en termes de fouilles archéologiques. C'est l'île de la Tortue. Où il y a eu une expédition française avec archéologues, historiens à Haïti, en 1987, où ils ont fait une sorte de recherche sur le terrain où on sait qu'il y a un certain nombre de vestiges apparents qui sont visibles, toujours visibles, aucune fouille archéologique à ce jour. L'autre spot, c'est l'île Sainte-Marie, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé des bateaux, mais l'intérêt, c'est la baie. C'est la baie avec son fort qui est toujours présent aujourd'hui, qui a été remanié, remodelé, puisqu'à un moment c'était une possession du pouvoir français, du royaume de France, et ça avait un intérêt stratégique de se positionner dans cette baie. Donc Madagascar, là. Près de Madagascar, tout à fait. Et on sait que c'est un foyer de pirates et de flibustiers. À la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle. On a une documentation là-dessus. Ah oui, on a une grande documentation. On a un manuscrit daté de 1730, notamment de Sir Robert, qui évoque avec de nombreux détails même l'installation de ces flibustiers et pirates, leur architecture en bois, etc., le long de la côte. Et en plus, on a ces fortifications qui sont dessinées. On a même un projet de la royale, donc la marine royale française, un projet d'investigation et d'installation d'un des forts. Et tout ça, c'est totalement inédit, ça a été légèrement approché par certains spécialistes, mais on a des jeunes chercheurs français qui travaillent sur ces questions-là, notamment Nicolas Morel, avec Nicolas Fauchère, qui est beaucoup moins jeune là pour le coup, mais qui est un grand spécialiste de castellologie, et qui s'intéresse à ces questions. Laurent Pavlidis, qui est actuellement conservateur au musée maritime de Saint-Tropez, quant à lui, travaille sur l'île de la Tortue. Victor Massélé. Alors, Jérôme Jambu et Michel Lourd nous disaient que il faut poser les bonnes questions avant de commencer des fouilles ou avant de se lancer dans un terrain de recherche. Pour vous qui êtes numismate et qui participez au livre Apparaître sous la direction de Jean Soula sur l'archéologie de la piraterie, quelle était la question ou quelles sont les questions que vous vous posez? Qu'est-ce qu'on a à découvrir dans ces épaves pirates? Alors évidemment, parmi la culture matérielle pirate, ce qui va, à titre personnel, m'intéresser le plus, c'est bien évidemment la monnaie. Quand on est spécialiste de numismatique, c'est normal. Voilà, mais je pense que le trésor de pirate, le butin de pirate, relève plus de la mythologie. On n'a pas retrouvé, par exemple, de trésor de butin pirate à terre. On parlait là d'archéologie terrestre. Ouais. On n'a pas retrouvé de choses conséquentes. En fait, on sait que les pirates devaient dépenser énormément leur argent, que leur argent leur permettait d'acheter leur protection, d'acheter éventuellement leur retraite. Donc des butins qui seraient enterrés comme ça, utilisés pour rien, ça fait partie de la mythologie. On raconte que la Buse aurait lancé un cryptogramme juste avant d'être pendue. Depuis, des radiesthésistes, des détectoristes, des sorciers recherchent son trésor, on n'a toujours rien trouvé. Un dernier mot, Anne Loer, puisque vous vice-présidez le CNRA, justement, ces questions d'archéologie sous-marine font partie des missions de ce Centre National de Recherche archéologique que vous vice-présidiez et qui a maintenant 25 ans. Est-ce que vous pensez justement que cette place qu'a bien décrite Michel Lourd d'importance de la France dans ce domaine de la recherche sous-marine est en passe de croître, se défend par justement une place des chercheurs plus grande que dans d'autres pays? Alors, c'est un sujet dont on discute évidemment régulièrement au sein du CNERA, puisqu'il y a un sous-conseil d'une certaine manière sur la question de l'archéologie subaquatique et sous-marine. Donc on en débat. Oui, il y a des perspectives, une montée en puissance possible, avec des thématiques dont on doit discuter entre chercheurs en France et à l'international, et puis une réflexion sur les méthodologies évidemment à mettre en place, sans déconnexion de l'archéologie de ces problématiques en général, j'ai envie de dire. Merci à tous les quatre. Demain, nous concluons cette petite série d'émissions consacrée aux pirates et on y reviendra sûrement à un moment ou à un autre parce qu'on a vraiment fait qu'effleurer cette question ici même et pas simplement autour de l'archéologie mais pour tous les thèmes qui sont très riches autour de cette thématique de la piraterie, des corsaires et des flibustiers. Et demain, vous allez vous intéresser à un corsaire, non pas un pirate, sauf pour les Anglais qui le désignent comme tel dans certains articles, Robert Surcouf et la prise du Kent qui est à la frontière entre cette histoire, puisque c'est un fait historique attesté, on a beaucoup de sources, et la légende, puisque les représentations, les récits ont été nombreux et ont contribué aussi à ces grands récits maritimes du 19e, avec en particulier un personnage, Louis Garneret, qui était peintre et écrivain, et qui est au centre de notre documentaire de demain. Un extrait de ce documentaire. Le Kent, c'est un vaisseau de guerre de la Compagnie des Indes qui se rend de Londres au Bengale et qui en ce moment court bâbord amure et serre le vent pour nous accoster sous toute voile possible. À présent, ce navire doit-il nous faire monter à l'apogée de la fortune ou nous jeter, cadavres vivants, sur un affreux ponton? C'est là un secret que Dieu seul connaît. N'importe, on risquera la captivité pour acquérir de l'or. L'or, une si belle chose quand on sait comme nous le dépenser follement. Tout le monde sur le pont. Elle Surcouf du haut des bars. Du café, du rhum, du bishop. Faites rafraîchir l'équipage. Branle-bas général de combat, ajouta-t-il d'une voix éclatante. La confiance est derrière. Le Kent est devant. Le Kent, lui, a prévu de virer à bâbord pour se retrouver derrière la confiance. Mais il manque ce virement, il continue tout droit, et la confiance arrive juste derrière, s'accroche, et après c'est l'abordage. La manœuvre là, elle est superbe. Là, il y a toute la science de marin, de Surcouf, et aucun doute là-dessus. J'ai découvert en vous lisant d'ailleurs qu'il y avait certains des pirates qui avaient pu faire en 3 ans 400 prises avant de voir leur bateau détruit. Donc il y a encore beaucoup d'espoir pour l'archéologie sous-marine, l'archéologie de la piraterie. Merci à tous les quatre d'être venus. Anne Loerf, vous êtes auteur de l'archéologie en Que sais-je, qui vient tout juste de sortir. Il faut citer les beaux livres que vous avez concoctés, donc avec le drasme Michel Lourd de l'archéonaute à l'André Malraux. C'est chez Actes Sud, mais aussi les rapports de fouilles et le travail sur l'archéologie sous-marine, pratique, patrimoine, médiation, que vous avez co-dirigé avec Christophe Cyrino et Éric Riette. On attend avec impatience votre livre que vous avez coordonné, donc Jean Soulin, sur l'archéologie de la piraterie. Et puis, il faut saluer le merveilleux travail que font justement autour des questions de piraterie les éditions Anarcharsis, dont le dernier livre vient de paraître. C'est signé Henri Pittman et ça s'appelle Aventure dans les Caraïbes, traduit de l'anglais, présenté par Sophie Joran. C'est sorti le mois dernier, Aventure dans les Caraïbes. C'est l'histoire d'un jeune chirurgien quaker capturé après une bataille perdue lors d'une rébellion en Angleterre et il a été envoyé comme prisonnier politique à l'île de la Barbade. On est dans tout ce milieu de la fin du XVIIe siècle dont on parle. Excellente collection donc aux éditions Anacarsis autour de la piraterie. Merci encore. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Jordan Fouettès était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Demain, donc, le documentaire pour conclure cette série d'émissions. Documentaire que vous avez signé, Victor Massé de Lépinay, avec Renaud Dalmar.